Le destin de Conte, récit et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Le destin à Charles Reed. Minerve protège la ville, où sont élevés ses autels. Elle veille, forte et tranquille, du haut de ses murs éternels. Elle donne dans sa clémence à nos cieux leur sérénité, à nos climats leur indulgence, à nos champs leur fécondité. Elle a semé sur cette terre son opulence et ses bienfaits, la gloire, fille de la guerre, et les arts, enfants de la paix. Et moi, trop heureux fils d'une mère immortelle, je goûte ses loisirs, son lait, son sommeil. Je savoure à longs traits la gloire maternelle, et je m'étends à son soleil. Les dieux m'ont donné la richesse et la puissance entre les puissants. J'ai des amis sans nombre et des plaisirs sans cesse. Et la force du corps et la chaleur des sens, et je possède la jeunesse. Ainsi chantait un jeune Athénien, et les échos du mont Hymette répétaient dans les airs la chanson du poète. Lui, marchant au hasard, un bâton pour soutien, gravissait, le front pâle et la lèvre animée, sur la montagne parfumée. Ses yeux embrassaient tour à tour le ciel profond et les plages lointaines. Le soir était venu, pur après un beau jour. Le soleil lentement se couchait sur Athènes. À l'horizon, on pouvait voir Éleusis se couchant au milieu de ses plaines, dans la pourpre du soir. À gauche, le Pirée et ses vaisseaux sans nombre, et la mer se fondant en un nuage sombre. Puis, à ses pieds, la reine des cités, la ville de Cricrops, jeune toujours et belle. Son Parthénon, sa citadelle, élevant dans les airs ses remparts indomptés, puis enfin, se perdant dans la plaine indécise, les rubans argentés de l'Ilysus et du Céphise. Ô peuple heureux, rivage fortuné, qui vous rendra votre splendeur antique? Quel dieu rétablira ce temple profané et ses remparts en poudre et ce ciel poétique de tous vos dieux abandonnés? Cependant, la nuit plus obscure de l'horizon douteux rétrécit le contour. Elle rend le silence à toute la nature et la fraîcheur au vent qu'a parfumé le jour. Tout dort. Lui seul, étendu sur la pierre, le front soulevé vers les cieux, regarde lentement glisser dans leur carrière tous les astres mystérieux. Longtemps il reste ainsi, longtemps il rêve encore, puis sa voix retentit dans la nuit plus sonore. Athènes, mon pays, berceau de mes aïeux, vers quelle noble destinée dois-tu, dans le cours des années, conduire tes fils glorieux? Dois-tu, passant un jour les monts et le Bosphore, reine de l'immense univers, réunir cent peuples divers, de l'Occident jusqu'à l'aurore? Ô gloire, ô ma patrie! Et ne verrai-je pas les beaux jours que je te présage, et ton nom volant d'âge en âge, sous le soleil et les frimas? Et toi, divinité cruelle, inexorable, ô destin, confident des dieux, ne pourras-tu pas, à mes yeux, ouvrir ton livre impénétrable? Je veux ravir à tes décrets de fer l'avenir de tout ce que j'aime, de mon pays et de moi-même. Je veux. Un cri traverse l'air. Le rocher tremble et se déchire, et du sein de ses profondeurs sortent en frémissant les trois fatales sœurs, dont la bouche jamais n'a connu le sourire. Impudent, qu'as-tu fait? Tu le peux encore. Fuis! Non. Les cheveux dressés, les regards éblouis, il demeure sans voix, sans force, sans haleine. Il veut se retenir en vain sur cette pente qui l'entraîne. Ce livre divin, il est là sous ses yeux. Il est ouvert, il brille, et l'éclair en jaillit, et l'avenir en sort. Ah, qu'ai-je vu, mes amis, ma famille, ô douleur, ô regret, ô déplorable sort. Je ne vois plus d'eux que leur mort, et je compte les jours qui leur restent à vivre. Ah, fermez, fermez votre livre. Il veut fuir, un charme fatal, dans le gouffre béant le retient et l'attire. Il cherche malgré lui, sur l'éclatant métal, un nom qu'il n'ose dire. Le feuillet tombe, et son tour est venu. Ses yeux se sont troublés, il regarde, il expire. Moi-même dans 10 ans, mais illustre, inconnu. Ô Dieu trop complaisant, ô funeste puissance, vous avez puni mon orgueil dans votre implacable vengeance. J'ai vu mes amis morts et ma famille en deuil, et la gloire que j'ai rêvée, mes Athènes, du moins, vous l'avez conservée, belle, pure, sans tache et sans rivale. Non. Athènes, ô ville sacrée, toute la Grèce conjurée, affolée tes remparts et profanée ton nom. Ah, tournez, tournez cette page. Dieu, que vois-je sortir de l'Occident lointain, des hordes d'étrangers inondent ce rivage, le fer et la torche à la main, une page encore. Quels sont ces farouches soldats, vomis des confins de l'aurore, et conduit par des dieux que je ne connais pas. Ah, c'en est trop. Fuyons. Ils rompent enfin le charme. Se précipitent frémissants, courent, volent, tombent au hasard, et laissant à chaque rocher une larme, à chaque ronce une goutte de sang. Cependant, l'aurore nouvelle, sur l'hymette fleurie, levait son front vermeil. Athènes apparaît plus riante et plus belle. Sortant de l'ombre et du sommeil, le jour répand partout la vie et l'allégresse. L'air s'emplit de clameurs. Déjà chacun s'empresse vers les nobles labeurs ou le docte loisir. Partout la liberté, le travail, le plaisir. Déjà la bouillante jeunesse court s'exercer aux jeux de Bellone et de Mars et revient, se pressant sous l'illustre portique, apprendre la sagesse et les lois et les arts. On discute l'état sur la place publique, et des dieux protecteurs on invoque le nom. Mais regardez là-bas, tandis que l'encens fume, sur les degrés du Parthénon, cet homme jeune encore que la fièvre consume. Seul, au sein des plaisirs, des fêtes et des fleurs, pâle, les yeux hagards et fou comme Cassandre, de son pays il chante les malheurs, ses palais en débris et ses temples en cendres, et sa voix s'éteint dans ses pleurs. Fin de Le Destin, enregistré par Stéphanie.